lune que j'attends. Sur ce quai, ce quai de gare, un mot oublié, m'envolé, un mot oublié, m'envolé. Je suis